Voilà, c'est l'intempestive. Je suis Bouslir Mohsin, je suis de nationalité marocaine. Je suis en France depuis longtemps, voilà. Et voilà, je suis résident à l'association Marabout depuis 6 mois. Et depuis 6 mois que je suis ici, et voilà, je suis bien. Je me trouve bien, c'est un lieu de vie, donc c'est sympa. Voilà. Moi, je suis en France depuis 1993, si tu veux. Ouais. Et depuis 1993 que je suis venu à chercher cette démocratie et de la vivre. Je suis dans une société démocratique. Je me sens très démocratique, mais je n'ai pas ma place. Voilà, c'est 17 ans que je suis en France et je suis tombé malade. Et voilà, ma situation, c'était un peu difficile. J'ai dormi dehors pendant beaucoup de temps. Hein? Et après, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Après, j'ai rencontré l'équipe mobile. Voilà. Au 46 de la rue Curiole, au centre de Marseille, un immeuble porte le nom de Marabout. On n'est pas ici dans l'antipsychiatrie, mais dans la construction d'une alternative pour l'instant unique en France, qui mêle des discours et des pratiques qu'on n'aurait pas imaginé aller ensemble. Donc je m'appelle Vincent Girard, j'ai une formation de psychiatre et je coordonne un programme de santé mentale communautaire qui a pour objectif de rencontrer des personnes qui sont sans chez soi et qui vivent dans la rue de façon chronique ou assez longue en tout cas, et qui ont des troubles psychiatriques sévères. Et c'est essayer de les accompagner à un projet de vie qui leur permet de réaccéder à une vie qui est la leur, un projet qui est le leur, à sortir de la rue, de la survie, de l'exclusion et à redevenir petit à petit des citoyens comme les autres. L'hôpital auquel vous êtes rattaché? Donc, je suis rattaché à l'hôpital Sainte-Marguerite dans le service du professeur Naudin, qui est un service de psychiatrie universitaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, conditions générales d'inscription au sein du pays sont gîte habituel. 1. Définition. Il s'installe généralement près de la surface, restant là tout le jour, à peu près immobile et ne sortant que la nuit. Moi, je m'appelle Herman Engelhoff, je suis actuellement médiateur de santé, je suis médecin du monde. Je fais partie de l'équipe mobile santé communautaire, c'est la responsable, c'est Dr Girard. D'abord, nous avons nommé cette équipe une équipe santé mentale, équipe de rue santé mentale, spécialisée pour la santé mentale, mais au fil du temps, nous avons vu que ça ne suffit pas. Nous avons dénommé ces équipes après santé communautaire, parce que c'est dire plus comme la santé mentale seule. Selon la définition de l'OMS, la santé, c'est beaucoup plus comme seulement l'absence d'un problème de la santé, soit somatique ou psychique. C'est aussi la santé sociale, c'est très très important. Donc, est-ce qu'on, avant de parler du marabout, est-ce qu'on peut évoquer la question sur laquelle travaille le marabout, déjà qu'il y ait des personnes dans la rue, et nombreuses, et parmi ces personnes dans la rue, qu'il y ait à peu près 30% de personnes qui présentent des troubles psychiatriques graves? Alors, c'est un problème qui est récurrent et assez généralisé à toutes les équipes, à tous les pays riches. Dans les grandes villes, c'est un phénomène urbain de grandes villes. Ça évolue de façon croissante depuis la première crise du pétrole en 70 Et ça a surtout commencé à être perçu et analysé par les chercheurs au début des années 80. Notamment en ce qui concerne la proportion dans ces personnes sans-abri de personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères et plus précisément de celles qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie, qu'on appelait à l'époque la psychose, dans des proportions qui vont de, selon les études, de 10 à 30%, mais nous, en fait, ça commence à s'affiner, on serait plutôt autour de 15%, ce qui est 15 fois plus que la population générale, puisqu'en population générale, c'est 1%. Donc ce qui est énorme, hein, c'est pour un épidémiologue, 15 fois plus, c'est ce qu'on appelle un lieu de concentration quoi, de la maladie. C'est des chiffres qu'on retrouve en prison aussi également. En tout cas en France, les études qu'on a pu faire, qui sont assez rares, hein, il y a une étude en prison, trois études sur les personnes de la rue, donnent ces chiffres de 10 à 15%. C'est le résultant d'un traitement social global de la folie qui est particulièrement négatif, où on met en place structurellement des systèmes que j'appelle dérivatifs pour empêcher les gens qui ont des maladies mentales sévères de vivre comme les autres et de vivre à côté de les autres en les excluant, d'abord en les mettant dans des asiles, et puis en les marginalisant au sein même de la ville, en les mettant dans la rue ou en les excluant des familles, en les excluant aussi des métiers, d'une vie normale. C'est l'accès aussi pour avoir des enfants, pour avoir une vie amoureuse, tout ça. Et la société met en place un contrôle fin de micro-pouvoir, hein, comme le décrit Foucault, quoi, où les gens, finalement, on leur suggère très fortement qu'ils sont incapables d'avoir une vie comme tout le monde, et ils finissent par intégrer ce message. Et en fait, la société fait de la prophétie autoréalisatrice, à la fois sur l'exclusion et à la fois sur la violence, quoi, en mettant les gens dans des situations où la seule manière qu'ils ont encore d'exister, c'est d'être violent. Tout en sachant que les données épidémiologiques sur la violence montrent que vous avez à peu près 95% des actes violents qui sont commis par des gens qui n'ont pas de pathologie psychiatrique sévère, et que donc le discours qui tend à amalgamer la violence avec la maladie psychiatrique, c'est la mise en bouc émissaire d'une population qui n'est pas capable de se défendre, hein, ce qui est typique de la mise en bouc émissaire. Et deuxièmement, c'est un déni et une façon un peu magique d'éviter de se rendre compte que la violence est quelque chose d'absolument normal, et qu'on a été programmé pour tuer du mammouth, et qu'aujourd'hui on n'a plus à tuer des mammouths, et que donc on se tue entre nous, quoi, et on tue tout le monde et on n'arrête pas de tuer. On est les plus... L'homme est un loup pour l'homme, mais il est plus qu'un loup, quoi. Et il y a une sorte de scotomisation comme ça de notre propre normalité à être violent. Scotomisation, c'est des taches invisibles dans les yeux, en fait. Quand vous avez une atteinte de la rétine, il y a des ronds que vous voyez plus, quoi. Ouais, c'est des parts c'est une invisibilisation, quoi, de quelque chose qui pourtant est absolument évident quand on y pense 2-3 minutes, quoi. Au-delà même de la violence humaine naturelle, il y a une violence sociale aujourd'hui qui justement crée, génère quoi, des personnes qui sont violentes, qui ne peuvent s'exprimer qu'à travers la violence, etc. Bon, alors, ce que dit la sociologie, c'est qu'on est dans un système social de moins en moins violent, hein, mais qu'on supporte de moins en moins la violence, et que du coup... elle est de plus en plus visible parce qu'on la supporte de moins en moins, quoi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on est dans une société plus violente qu'avant. Ce n'est pas vrai, quoi. Avant, les gens, ils avaient une espérance de vie de 35 ans. Il n'y avait pas de grands-parents, il n'y avait pas d'arrière-grands-parents. Enfin, on n'avait pas de vie, quoi. Imaginez même au 19e siècle la vie qu'on avait, quoi. C'est plus comparable avec ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Et quoi qu'on en dise, la qualité de vie aussi s'est améliorée, quoi. Mais par contre, il y a une intolérance de plus en plus grande à la violence et une exigence de plus en plus de gens à vivre dans la sécurité et la non-violence. Et donc, ce qui est gênant, c'est effectivement de voir que cette exigence, elle est accompagnée parfois de raccourcis qui font l'économie d'une réflexion un peu plus approfondie, un peu plus complexe de la réalité, en désignant un responsable qui, en l'occurrence la personne qui a des troubles psychiatriques sévères, qui ne peut pas se défendre parce qu'elle n'est pas instituée en corporation. Les gens qui ont une schizophrénie ne le disent pas, ne s'affichent pas et ne sont pas prêts à prendre la parole sur une tribune, même s'ils ont des postes à responsabilité. Aujourd'hui, vous connaissez personne qui a un poste à responsabilité qui va dire qu'il a une schizophrénie. Et dans la tête des gens, d'ailleurs, ça serait une raison pour que cette personne perde son poste. S'il y avait, je sais pas, un juge ou un médecin qui disait « Écoutez, moi, j'ai une schizophrénie », il est fort probable qu'on lui ferait des problèmes et qu'on essaierait de lui faire perdre ses responsabilités parce qu'on est persuadé que les gens qui ont une schizophrénie ne peuvent pas avoir de responsabilité et qu'en plus, c'est des gens qui, à tout moment, risquent de vous couper la tête et de la mettre sur sa télé, quoi. Et ça c'est une représentation qui est très ancrée et qui est en plus assez généralisée dans toutes les sociétés. Creuser ses galeries, n'ayant ni patte ni mâchoire, il use de deux expédients. S'étant introduit dans un trou, il projette son pharynx dans sa tête. Beaucoup de mesures qui sont mises en place actuellement, c'est des mesures qui visent à davantage de sécurité dans les hôpitaux pour éviter les fuites justement de schizophrènes, etc. Ce qui est dénoncé par toute une partie de la psychiatrie. Alors c'est vrai que la grande crispation du monde psychiatrique en France est venue après le discours du président le 2 décembre 2008 où pour la première fois un président de la République faisait un discours depuis un hôpital psychiatrique, et ce discours il a été particulièrement stigmatisant et amalgamant, et c'est assez dramatique. Parce que plus que faire mal à la psychiatrie, il a fait mal aux personnes qui avaient des troubles psychiatriques. Et surtout, il est au-delà de la question purement bouc émissaire et morale, il est inopérant, puisqu'en fait, il est basé sur des présupposés qui n'ont pas de réalité. Et construire des programmes ou réfléchir à une réforme sur des présupposés et pas sur des réalités, c'est la meilleure manière de faire encore et encore n'importe quoi, quoi. Il y a eu ce discours-là. Après, quand on regarde les mesures qui ont été prises, c'est des mesures quand même qui restent très à la marge. Et surtout, les mesures plus structurelles et plus importantes, elles avaient déjà été prises par Douste Blasi suite aux événements de Pau. Et ça avait déjà été, pour le coup, ils avaient fait un véritable plan de santé mentale en réaction aux événements de Pau. Comme quoi, c'est toujours plus grave de tuer des soignants que de tuer des passants. Quoi, hein. C'est en psychiatrie, on le sait bien, c'est... Frapper un infirmier, vous risquez une HO. Frapper un professeur, là, c'est carrément, vous risquez l'HO à vie, quoi. Hein. L'infirmier, ça doit être l'HO à 3 ans. Et... Donc l'hospitalisation d'office. L'hospitalisation d'office, voilà, la contrainte absolue en psychiatrie. Donc il y a quand même un monde psychiatrique qui aussi s'offusque. Des propos d'un homme politique, mais qui elle-même dans sa pratique renforce ces présupposés-là à travers le système de contraintes phénoménales qu'elle met en place et qu'elle légitime par le biais du savoir scientifique. La psychiatrie, c'est 70 000 hospitalisations sous contrainte par an, dont 10 000 à chaud. Foucault le dit ainsi, il dit qu'elle a acquis une légitimité en tant que branche de l'hygiénisme sur cette base-là. Alors aujourd'hui, elle a développé d'autres compétences et elle arrive à soigner les maladies mentales, mais à l'époque, c'était vraiment, elle avait pour but surtout de protéger la société de gens qui avaient des troubles du comportement. Le client devra, à première demande de l'opérateur, mettre fin à toute perturbation. En France, on a mis en place une politique de secteur dans les années 50-60 qui a été en fait mise en place par un petit nombre de personnes qui étaient assez... c'est une sorte de putsch intellectuel qui a été... Et du coup, bah, comme tous les putschs intellectuels dans les systèmes démocratiques, ça marche pas puisque la démocratie, ça peut pas marcher sur un phénomène de putsch. Et du coup, ben, le résultat de ça, c'est que ça n'a jamais été vraiment mis en place au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens en pourcentage qui pratiquent vraiment la politique de secteur aujourd'hui. On est aux alentours de 30% dans le meilleur des cas, des hôpitaux psychiatriques, enfin des services de psychiatrie qui font du secteur, avec par contre 90% des psychiatres et des chefs de service qui vous disent qu'il faut faire du secteur. Hein. Ou à contrario, que c'est récupéré pour justifier des suppressions de lits et pour mener une politique très libérale et plus du tout dans l'esprit du secteur initial. Ouais, moi, j'y crois pas trop à ça, à ce discours-là, parce que le budget actuel de la psychiatrie en France, c'est le deuxième plus gros budget au monde par habitant, juste derrière l'Angleterre. Et on est le pays au monde où il y a le plus de psychiatres par habitant. On a autant de psychiatres en France que dans les 10 pays les plus riches d'Europe autour de nous. Donc on est largement mieux doté que tous les autres pays, à part l'Angleterre, qui a un budget légèrement supérieur au nôtre, quoi. Mais qui par contre a un mode de fonctionnement beaucoup plus structuré, beaucoup plus rationalisé, avec une culture de l'évaluation qui accompagne les soignants à mieux comprendre ce qu'ils font, ce que nous, on n'a pas, quoi. Mmh. Et quand vous demandez à un chef de service combien il a soigné de patients, il n'est pas capable de vous dire combien... Il sait combien il en a vu, mais il ne sait pas combien il en a soigné, quoi. C'est comme si le fait que vous ayez un diplôme, ça voulait dire forcément que vous étiez compétent, quoi. C'était une chose énorme. Quand je réfléchis aujourd'hui, comment c'est arrivé, c'est presque miraculeux. Parce que moi-même, quand je suis arrivé à Marseille en 2001, j'étais malade, mortellement malade. J'étais un homme qui est arrivé dans la rue. J'ai vécu 8 ans dans la rue moi-même. J'étais un grand alcoolique, j'étais un grand dépressif. Et aucun avenir pour moi quand je suis arrivé ici, mais en France, à 100 années, moi ici, pendant 2 ans, j'ai obtenu un traitement très très lourd contre la tuberculose. Ok, la tuberculose a été soignée après 2 ans, aucun sens pour l'avenir, aucune lumière dans l'avenir pour moi. J'ai fermé maintenant cette petite chambre de 8-9 mètres carrés, c'est pas une vie, c'est. C'était rien pour moi. Et pas ça, ou c'était mon destin, je ne sais pas. Un jour, 2004, à la place Castellane, j'ai croisé la mission Sabre et les médecins du monde. Et avec cette mission, on était Vincent Girard. Et lui a expliqué moi, après un certain temps de connaissances, lui a expliqué moi un peu les choses qu'il a pu faire ici à Marseille. Parce que lui est juste revenu des États-Unis. De l'université de Yale, à New Haven, où lui a terminé ses études en psychiatrie, et où lui a travaillé ensemble avec une équipe mixte. C'est une équipe, ce sont les professionnels de la santé, et les ex-usagers de la psychiatrie, ou les personnes qui ont vécu un certain temps dans la rue, dans la grande précarité. Elle lui a dit la même chose que j'ai établi ici en France. Et moi, j'ai été une des premières rencontres, ce temps-là, en place Castellane. Et lui a dit, Herman, c'est vraiment c'est une compétence. Dans ces niveaux, dans ces secteurs, travailler dans la rue, c'est une compétence. 8 ans dans la rue, tu connais la rue, tu connais la misère, tu connais toutes les problématiques. Et moi, je suis un psychiatre, si nous pouvons travailler ensemble, nous faire ensemble maraude à la visite des gens qui sont dans la rue avec ces problématiques. Et j'ai réfléchi un peu longtemps, parce que pour moi, un psychiatre, ces temps-là, c'était plutôt une menace pour moi, comme une chance. Okay? Parce que j'ai écouté déjà beaucoup de mauvaises histoires de la psychiatrie, d'autres gens qui ont raconté, qui ont boit dans la rue. Et mais Vincent était simplement, lui était différente, comme toutes les autres personnes que j'ai connues déjà, jusqu'à ce temps-là. Et j'ai dit, ok, c'est peut-être mon dernière chance et mon seule chance pour faire vraiment quelque chose utile ici en France. Et 8-9 mois plus tard, 20 ans, propose-moi de devenir bénévole chez Médecins du Monde. Mais j'ai arrivé dans une maison de commerçante, j'ai arrivé dans une maison de bonne bourgeoisie autrichienne. Okay. Avant, je n'ai pas jamais connu la misère. Jusqu'à l'âge de 38 ans, j'ai connu la misère. Et c'était un autre monde, un monde de soignantes, ce n'était pas mon monde. Je suis grandi dans le monde du capitalisme, pas de soignantes. Mais à cause de ces compétences, ces 8 ans, j'ai appris pratiquement une profession. C'est comme un autre, faire l'étude de 8 ans, j'ai fait l'étude de 8 ans dans la rue. Qui se termine par une espèce de petite chambre capitonnée de mucus dont il semble faire ses quartiers d'hiver. Une couche de terre mince et fine tapisse les parois de ses couloirs. À fil de temps, dans notre barreau, nous avons vu toujours le problème. Si Vincent, en tant que psychiatre, hospitalisait quelqu'un, une personne qui est dans la rue, qui est sale, qui est bu, avec aussi beaucoup de problèmes somatiques, nous avons toujours de grandes difficultés pour hospitaliser les gens, parce qu'on a simplement refusé. Travailler avec les gens de la rue, l'hôpital, le responsable de l'hôpital de l'urgence. Le même jour ou 2 jours après l'hospitalisation, ou 1 jour après l'hospitalisation, nous avons trouvé la même personne dans la même situation dans la rue. Parce qu'on n'a pas trouvé vraiment un problème de santé mentale. C'était très, très léger. On a traité ces gens vraiment comme les gens de la troisième, quatrième catégorie d'un citoyen, hein, ou même pas de la citoyenne. On traitait les gens comme les chiens dans la rue. On ignorait ces problématiques. Voilà, nous avons discuté, Vincent et moi et quelques autres, que nous pouvons faire pour répondre à ces problématiques. Et une chose était claire, sans logement, on ne peut pas soigner les gens. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, en 2005, il était fondé le collectif logement et santé, exactement dans ces deux mots comme ça, le logement et la santé. Ce sont deux mots complètement inséparables. On a discuté beaucoup avec les responsables de la ville, de la politique de la ville, avec le responsable du centre hospitalier psychiatrique, avec la citoyenne, avec les différentes associations. Nous avons parlé beaucoup pour trouver une solution pour ces problèmes de logement, pour donner à quelqu'un des milliers de gens qui sont dans la rue la possibilité de se soigner sur un toit et pas dans la rue. Donc en 2005, il y a eu un collectif qui s'est créé sous l'impulsion de travailleurs de rue, qui étaient des acteurs du social et des acteurs du sanitaire et des personnes de la rue qui accompagnaient des gens qui avaient des pathologies sévères à l'hôpital, qui les voyaient rentrer à l'hôpital, être soignés, aller mieux et puis après retourner à la rue, retomber malade. Et devant ce phénomène que les Anglais ont appelé le revolving door, on s'est créé en collectif, on s'est réunis, on a discuté. Il y avait des chercheurs aussi, des jeunes chercheurs en sciences sociales dans ce collectif. On a écrit une charte, on a écrit un manifeste. Et après avoir écrit une charte et un manifeste, avoir fait une manifestation dans la rue, on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on avait deux projets. On voulait faire une Gay Pride et on voulait ouvrir un squat. Et puis, on a discuté, on a dit, bon, la Gay Pride, c'est sympa et tout, mais ça ne va pas aider les gens. Donc on va plutôt ouvrir un squat, quoi, en premier, quoi. Et donc on a ouvert ce squat un an après. En fait, on a mis un an à trouver le lieu. Et on l'a trouvé, c'est un jeune interne en psychiatrie qui travaillait dans l'équipe. C'était son premier choix en psychiatrie. Et puis il habitait juste en face d'ici. Et c'était en fait un immeuble, un hôtel de passe abandonné, où il y avait un des arrière-petits-fils d'un des multiples propriétaires du lieu, parce que c'était un lieu dans l'indivision qui était là, mais qui squattait dans un bâtiment complètement abandonné. Et il nous a dit, bah, écoutez, moi je dois partir en Italie, pour 400 euros, je vous file la clé. Moi je suis allé retirer de l'argent tout de suite à la banque. sur mon compte. Je lui ai filé les 400 euros, il m'a donné la clé. C'était fin décembre, je m'en rappelle, 2006. Cette clé était intéressante pour nous parce qu'avec une clé, nous pouvons entrer dans un immeuble sans l'infraction, sans casser la porte ou la fenêtre. Voilà, mais on a dit ok, maintenant tu as la clé, lui donne-moi la clé tout de suite, maintenant la clé, tu as quelque chose à faire ici. J'étais encore bénévole chez Médecins du Monde, pas salarié. Et une autre, j'avais mon propre logement ce temps-là. Mais mon logement était très très petit, et c'est un immeuble, 4 étages, plus le rez-de-chaussée, plus une petite cour dehors, une petite terrasse, le cave, toutes les choses. Une surface habitable d'environ 300 mètres carrés. Et c'était un défi pour moi, c'était même un plaisir. Okay? J'étais tout seul, même si c'est une décharge, même si c'est une ruine, mais on a laissé tomber une ruine à cause de spéculation, ou je ne sais pas pourquoi. Plus de 10 ans abandonné, j'ai dit ok, je n'ai pas plus mieux chose à faire. J'ai commencé lentement pour débarrer tous ces déchets dedans, mais pas seul, parce qu'avec une seule poubelle avant la porte, c'était un travail pour quelques années. Voilà, ici nous avons installé l'association Le Nomade Céleste. Le Nomade Céleste, ça va être pour but principal être porteur d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle, pour les gens qui sont dans la rue avec les problèmes de la santé mentale ou de l'addiction, de tout le monde pour le premier temps. C'était le rez-de-chaussée, nous avons occupé le rez-de-chaussée et moi, je m'ai installé au premier étage, j'ai occupé une chambre là-bas et j'ai quitté mon logement. C'était le plus grand problème dans ces immeubles pour 2 ans, nous n'avons pas trouvé une seule goutte de l'eau, de la droite jusqu'à la cave. Toutes les robinets étaient fermées, fermées, fermées. Mais heureusement, un voisin qui habitait porte à porte a trouvé une solution pour nous. Elle a laissé nous brancher un tuyau de jardin à la robinette de le jardin d'elle. Et comme ça, nous avons acheté un compteur de l'eau, un tuyau. Et avec ça, j'ai installé l'eau jusqu'au 4e étage, pas dans la chambre, parce que toutes les porcelaines de lavabo et de pitié, tout était cassé, brisé, utilisé comme la toilette, que tout était plein de merde, séché parce qu'il manque l'eau. Et voilà, Médecins du Monde a aidé nous pour démarrer ce truc. Pour l'installation d'électricité, nous avons trouvé une facture aussi déjà 10 ans, mais avec cette facture, c'était possible. EDF a installé l'électricité, mais jusqu'à l'entrée de la porte, c'est un portier électrique. À partir de là, rien n'a plus fonctionné, rien n'a plus marché. Quand même, j'ai installé toute l'électricité, et on a installé le téléphone, on a installé l'Internet. Le client s'engage à utiliser le service en bon père de famille. Plus généralement, le client est seul responsable. Voilà, c'était maintenant l'association de la Nomade Céleste. Mais la Nomade Céleste, parce moi, pas d'un immeuble de 4 étages, plus de rez-de-chaussée, nous besoin de quelques pièces à la rez-de-chaussée pour ce groupe d'entraide mutuelle. Et l'autre est vide, tout était vide. Non? Comme ça, nous avons travaillé 18 mois. J'étais là, bas. 18 mois installé, j'étais là 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures. 18 mois, sans arrêt. Je suis presque jamais sorti un peu faire la maraude, mais le reste du temps, j'étais là-bas. J'étais responsable pour ce fonctionnement de ces trucs. Donc Donc Herman, lui, il est venu habiter en... Il a quitté sa chambre en février. Et il est venu habiter ici. Et en mars, c'était plein. Mais plein, il y avait 14 personnes, quoi. Et donc les chambres étaient... On a mis 2 mois donc, à nettoyer le lieu entre décembre et février. Et puis, rapidement, il y a eu énormément d'acteurs qui sont intervenus sur le lieu. Bon, déjà, il y a l'équipe de l'époque, qui était une toute petite équipe. Aujourd'hui, on est 15 équivalents temps plein, mais à l'époque, on était 4,5 équivalents temps plein. Mais il y a plein d'autres associations qui sont venues nous filer des coups de main. Il y a des artistes qui sont venus. Les gens de la rue étaient hyper actifs aussi sur la rénovation du lieu. Donc voilà, c'était plein de vie, quoi. Et notre idée, c'était d'être assez invisible et de faire la preuve, en fait, qu'on pouvait soigner des gens dans ce lieu. Pourquoi invisible ? Ben, on ne voulait pas être un squat revendicatif comme le DAL, parce qu'on ne voulait pas être expulsé. On voulait d'abord avoir fait une preuve par le biais de la santé que c'était un lieu absolument nécessaire, pour pouvoir après leur dire, si vous fermez le lieu, vous allez tuer des gens, quoi. Vous avez tout de suite axé le lieu sur accueillir des personnes. C'était un squat thérapeutique, quoi. Tout de suite, on a dit, nous, on n'accueille que des gens qui sont vraiment malades, quoi. On n'accueille pas des gens qui ont juste des problèmes d'errance, qui n'ont pas de logement, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, quoi. Et c'était pathologie psychiatrique lourde. Et donc, très rapidement, on s'est retrouvé avec 80% de la population qui avait une schizophrénie, avec 90% qui, en plus, avaient des problèmes d'addiction. Enfin, voilà. Des grosses pathologies, quoi. Et puis, des comorbidités somatiques... à tire-larigot, quoi. Donc des gens qui avaient 3, 4, 5 pathologies chroniques, quoi. Et du coup, ça a été très rapidement une succursale de l'hôpital, quoi, avec plein de médecins, d'infirmiers. On a mis des infirmiers libéraux sur le coup. Enfin, c'était un lieu de soins, quoi, en fait. C'était vraiment de l'alternative à l'hôpital, quoi. Et avec des gestions... Là, c'était la chambre d'urgence, et c'est là où on gérait les personnes qui étaient vraiment très, très, très délirantes. On accueille et on continue à le faire, mais beaucoup moins. Mais avant, on accueillait énormément de gens déstabilisés, enfin pas stabilisés, voire en crise, et des gens aussi que l'hôpital psychiatrique ne pouvait plus soigner. C'est-à-dire qu'on était plus performant que l'hôpital sur certains patients, quoi. Et ça a été quand même une expérience très, très marquante, quoi. C'est qu'à un moment donné, des patients que l'hôpital n'arrivait plus à soigner, nous, on les récupérait, quoi. Et comment vous expliquez justement que vous réussissiez là où l'hôpital avait échoué ? Parce que les gens ont besoin d'alternatives, que l'hôpital, c'est pas une solution totale, c'est tout. Et que penser l'hôpital comme une solution totale, ça devient du soin totalitaire. Quand on a toutes les solutions en un seul endroit, dans les mains d'une seule personne, d'une seule pratique et d'une seule idéologie, on n'est plus sur un système démocratique. Donc la question de l'alternative, c'est pas une question que c'est mieux, c'est que c'est une question de choix et que les besoins sont variés et qu'il faut donc réfléchir à une diversité de l'offre pour répondre à une diversité des besoins. Donc le squat, on l'a ouvert officiellement en février 2007. Il a été légalisé en... Les propriétaires et la mairie se sont rendus compte qu'on était squatteurs en novembre 2007. Donc ils ont mis quand même un bon paquet de temps. Et je me rappelle toujours la tête qu'ils ont fait quand ils sont rentrés, quoi. Ils ont ouvert la porte et ils nous ont regardé comme ça. Et ils ont vu le mur tout peint, écrit les Nomades Célestes. Il y avait 30 personnes, des intervenants, des artistes, des habitants. Ils étaient là, mais visiblement, ils n'étaient pas du tout au courant, quoi. Et quand on leur a expliqué ce qu'on faisait, ils ont tout de suite compris qu'ils ne pourraient pas nous expulser, quoi. Ça allait prendre... Et la mairie, en fait, avait fait droit de préemption. Ils étaient en train de négocier l'achat du lieu, la mairie, du coup. Et donc, nous, on a négocié avec la mairie pour qu'ils l'achètent, squattaient. Et nous, en échange, on s'engageait à réfléchir à un processus de désengagement ou un processus, en tout cas, de légalisation. Et donc moi, j'aurais bien dit qu'on partirait pas, quoi. Ils feront ce qu'ils voudraient, mais que nous, il faudrait qu'ils envoient la police pour qu'on parte. Et encore même là, ça allait être compliqué pour eux, quoi. Le problème principal, comme j'ai dit, c'était le logement pour les gens de la rue. Mais un hôtel, un immeuble qui est squatté, c'est impossible de demander une subvention de l'État, par exemple, parce qu'on ne donne pas une subvention d'un squatteur. Okay. Pour distinguer ces deux trucs, un groupe d'entraide mutuelle et un hébergement, c'est nécessaire de fonder une autre association, et c'était le Marabout. Nous avons fondé le Marabout. Le Marabout avec le but de créer le logement pour la population ciblée. Alors le marabout, parce que le marabout, c'est à la fois un oiseau migrateur et à la fois un soignant traditionnel. Donc c'est l'idée que c'est un lieu de soins et que c'est pour des gens qui sont des gens qui se déplacent beaucoup. On accueille quand même beaucoup de gens primo-arrivants ici. Alors ils ont des troubles psychiatriques sévères, hein, mais il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier en fait. Comment est-ce que vous voyez le fait que vous avez eu une longue période vraiment difficile, vous étiez à la rue? En effet, je croyais dans cette démocratie depuis 1992 que j'étais au Maroc. Et depuis là, j'ai dit voilà, j'y sors de mon pays vers à chercher cette démocratie que j'aime bien. Et je suis peut-être pas plus français que les Français, ou moins que les Français, mais je suis un Français. Il est devenu difficile la démocratie, même si tu acceptes la démocratie, peut-être, je crois que la place dans la société démocratique, il devient difficile. Il est devenu difficile de trouver ta place dans la société française. C'est très difficile, c'est très très difficile, voilà. Voilà. Et des lieux comme le Marabout, ça aide à la trouver la place? Des lieux comme le Marabout, ça aide à la trouver? Je parle au niveau administratif, au niveau social, au niveau gouvernemental. C'est des problèmes sociaux globaux qui sont accumulés, ils sont beaucoup. Et pour nous, déjà, c'est difficile. Qu'est-ce que notre maladie, notre difficulté, déjà, c'est difficile. Et après, des autres problèmes qui sont inacceptables, comme les problèmes administratifs, hein, qui prend beaucoup de temps et complique beaucoup de choses. Donc, par ami, je vois un peu ces problèmes-là qui s'accumulent. Et à un certain moment, il n'y a pas de... T'as pas de limite, quoi. S'il n'y a personne qui s'occupe de nous, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Ça devient automatiquement une société faible. Une société comme la France qui devient faible, je veux pas le voir, quoi. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont tout, et ils peuvent faire beaucoup, mais j'espère qu'ils vont le faire, quoi. En fait, au début, c'était les Nomades Célestes, qui était une association d'autosupport de personnes de la rue qui avaient des troubles psychiatriques, qui a géré le lieu. Enfin, en tout cas, qui a porté le lieu d'un point de vue associatif, puisque le lieu, il était géré par les gens, hein, les habitants et les intervenants. Et puis après, on a créé cette association. Pour pouvoir recevoir des financements, on a demandé à ce qu'il y ait une association un peu plus importante, marseillaise, qui s'appelle Habitat Alternatif Social, qu'elle nous accompagne dans le processus d'institutionnalisation, de manière à ce qu'on puisse, nous, continuer à pratiquer ce qu'on pratique, quoi. Je m'appelle Antoine Lacalle, je suis référent coordinateur de la résidence accueil Le Marabout du 46, dans le premier arrondissement à Marseille. Alors, Habitat Alternatif Social existe depuis 82, mais a été, si vous voulez, à modifier quand même, enfin à évoluer depuis, bien sûr. C'est une association qui est, en fait, s'axe plutôt sur la réinsertion, etc., de la personne par le logement aussi, voilà. Donc, ils sont très orientés au niveau du logement, de l'habitat. Alors, le rôle d'HAS, c'est la gestion administrative, c'est-à-dire et locative. Donc, tout ce qui concerne le montage de la résidence accueil, le bon entretien du lieu, le paiement du loyer à Marseille Habitat, puisque l'immeuble appartient à Marseille Habitat, le paiement de l'électricité, le financement de mon poste. Et les loyers, à titre indicatif, ils sont de combien ici? Alors, on demande une participation financière de 150 euros. En parallèle à cela, on fait une demande automatique d'allocation logement auprès de la CAF. Donc la CAF, normalement, prend en charge une partie, et, enfin, à titre de 100 euros, et il reste un résiduel en fait, qui incombe à au résident de 50 euros par mois. Voilà. Donc, c'est ça. Et les personnes qui sont dans la rue, on montre généralement des réticences à aller dans les foyers où il y a pas mal de témoignages en fait dans ce sens-là, disant que les foyers justement coupent en fait une sociabilité qui s'est faite dans la rue, une culture qui s'est faite dans la rue. Comment est-ce que vous avez réussi à instaurer une confiance qui permette à des personnes qui sont dans la rue de venir, de faire la démarche de venir ici? Alors, ce qui est certain, c'est que nous, d'abord, on est une microstructure à 12 places, donc c'est tout petit, c'est familial, c'est ouvert, il n'y a pas de contraintes, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle une structure bas seuil d'exigence au seuil de compétence. C'est une des rares structures, enfin, c'est la seule structure où il y a autant de soignants et surtout de psychiatres qui passent quasiment tous les jours. Voilà, donc c'est un lieu particulier pour ça. Après, pour moi, c'est pas la panacée, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux au moment où on l'a fait, si vous voulez. Je pense pas que c'est à prendre comme un modèle et à reproduire partout en France, quoi. Je pense que ça a été utile pour sensibiliser les gens sur le fait que d'autres choses étaient possibles, quoi. Après, dans le meilleur des cas, je pense que c'est quand même mieux d'offrir des logements autonomes aux gens plutôt que leur imposer du semi-communautaire ou du communautaire. C'est vrai que tout le monde nous disait, mais vous mettez 12 fous de la rue qui sont passionnés depuis longtemps dans un même lieu, mais ils vont tous se tuer, ils vont mettre le feu, ils vont se suicider. Enfin voilà, on nous avait promis l'enfer, et bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une personne qui s'est suicidée en 3 ans, donc pas de meurtre, pas de feu. On a eu une tentative d'incendie quand même. Mais voilà, bon, ça c'est dans l'ensemble, on a accueilli à peu près une centaine de personnes là, je pense, peut-être plus même, depuis l'ouverture. Et c'est vrai que ça reste un outil de travail passe-partout, quoi. C'est un peu un couteau suisse, quoi. On peut faire plein de trucs dans ce lieu. On manque de moyens, mais c'est quand même du solide, quoi. Ici, vous parlez de la coordination des différents intervenants. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Donc, c'est faire en sorte que déjà l'équipe mobile, bah, comme vous voyez, on a essayé d'instaurer donc des permanences, que la présence soit organisée en fait, reconnue aussi pour les résidents. C'est plus identifiable. Voilà, qui vient quand, etc. Parce que c'est vrai que au début, les présences étaient un peu à tout moment, quoi. Donc c'est ça, par rapport à la coordination, c'est ça, des intervenants. Après, il y a toute la coordination aussi sur le lieu, mais au niveau des intervenants, bah, c'est faire en sorte de voir aussi qui veut intervenir. On a eu beaucoup de demandes ici, des gens qui voulaient faire avec beaucoup de bonne volonté et tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que on ne peut pas dire oui à tout, il faut vraiment voir qui veut faire quoi, comment c'est structuré. Des associations qui ont voulu intervenir, tout à fait d'accord, mais dans ce cas-là, dans le cadre d'un partenariat. Donc institutionnaliser les choses, qui ne veut pas dire prendre... Parce que des fois, on a l'impression que d'institutionnaliser ou de signer un partenariat, ça crée une distance. Bah, moi, je trouve que non, justement, ça formalise quelque chose, et ce qui permet après de moduler avec la personne. C'est pas... Enfin, c'est aussi dans le vue du bien-être et de l'harmonie du lieu, en fait. Donc ici, comment s'organise le lieu, comment s'organise le quotidien? Il s'organise un peu dans le chaos et en essayant d'être au plus près, une sorte de chaos organisé, en essayant d'être au plus près du besoin des personnes et pas, comme c'est pas un lieu qui est encore institué avec des règles, enfin bien qu'il commence à y en avoir malheureusement de plus en plus. Mais en tout cas au début, ça vivait vraiment au rythme du besoin des gens de la rue. Alors avec des besoins très variés, parfois qui rentraient en conflit du fait de la précarité du lieu, de la difficulté à organiser une fluidité dans les relations de gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient des problèmes, qui souffraient, etc. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé, ça continue à bien se passer. Voilà, ça s'organise sur des projets individuels en essayant de respecter un minimum de vie collective, quoi. En sachant que la vie collective, elle est quand même assez réduite, puisque les gens vont globalement quand même ont beaucoup de difficultés à gérer leur propre vie, quoi. Au début, en tout cas, et puis bon, après, il y a des moments, hein, voilà, des moments de collectif, mais qui ne sont pas, a priori, ni obligatoires, ni systématiques. Alors Nadège, donc j'ai vécu au Marabout un mois dans le cadre d'une étude de sociologie qui devait être à la base sur la psychiatrie et qui s'est finie sur l'habiter et le vivre ensemble. En fait, ce qu'il y a là-bas, c'est que donc tu as une dizaine de chambres qui sont plus ou moins aménagées. Moi, quand j'y étais, par exemple, il y avait l'eau jusqu'au deuxième étage. Après, ils l'ont monté jusqu'au quatrième, tu vois. Donc il faut une dynamique de faire que ce soit habitable. Déjà matériellement, tu vois, parce que c'est chiant, quoi. Voilà. Et il y a une autre. Et dans la même dynamique de faire que ce soit habitable, hein, il y a aussi, dans le vivre ensemble, parce que tu as quand même 10 personnes d'horizons différents qui ne se connaissent pas, qui doivent se démerder pour s'entendre. Une équipe mobile, donc, qui est très présente dans le rez-de-chaussée, et donc qui sont extérieurs au lieu, tu vois. Mais avec qui il faut en même temps... Donc, en fait, c'est un peu eux qui ont créé le lieu, mais ils ne vivent pas là, ce n'est pas leur chez-soi, alors que les autres gens, les résidents, c'est leur chez-soi. Mais en même temps, ils dépendent de l'équipe mobile. Tu vois ce que je veux dire? C'est plein de logiques compliquées, un peu, qui font que le vivre ensemble, ça se négocie énormément en permanence, par pleine forme, tu vois. Ça peut être l'humour. J'arrête des petites piques, là c'est mon espace, c'est pas le tien, tu vois. Ou ça peut être des violences aussi des fois, quoi. Ça peut être aussi le fait d'offrir un café aux visiteurs, parce qu'eux aussi font partie du vivre ensemble. Donc c'est plein, tu vois quand même la différence entre l'espace du rez-de-chaussée, tu vois, très ouvert, où les membres de l'équipe sont vachement impliqués, où il y a quand même quelque chose, et les étages où c'est plus privé, où il y a plus de choses qui communiquent librement, tu vois, du coup, normal, quoi. L'autogestion, justement, elle se pratique comment? Comment vous l'avez définie dans le lieu? On la définit plus comme une nécessité pragmatique que comme une idéologie, c'est-à-dire le fait qu'on n'avait pas assez de moyens, que de toute façon, il fallait que les gens ils gèrent le lieu le soir quand on n'était pas là, le week-end quand on n'était pas là, et puis petit à petit, en fait, voilà, il y a une sorte d'équilibre entre... c'est plus de la participation que de l'autogestion, quoi. C'est quand même une structure où il y a beaucoup, beaucoup d'espace de non-contrôle, de liberté, de responsabilité, en fait. Et c'est, bon, voilà, c'est juste rassurant de voir que ce qu'on pensait être les compétences qu'on avait identifiées chez les gens, elles étaient bien là, elles étaient bien présentes. Et c'est l'idée d'utiliser les compétences des gens plus que l'idée de l'autogestion, enfin de l'autonomie, quoi, mais plus de la compétence, quoi. L'autonomie, c'est pas un objectif de, justement aussi pour un objectif thérapeutique, quoi, on pourrait dire. Ben ouais, moi j'y crois pas trop à l'autonomie. Enfin, je pense que l'autonomie, ça renvoie là, au concept d'individu, et le concept d'individu, il est probablement trop mis en avant pour réfléchir le monde. Et moi, je crois plus à l'intelligence collective, au phénomène collectif, et donc peut-être l'autonomie de groupe, oui, plus que l'autonomie de personne. Et du coup, ça, pour moi, ça renvoie plus à la citoyenneté qu'à l'autonomie. Et l'évolution du lieu, l'avenir du lieu, vous les voyez comment ? Bah pour moi, le lieu, ça a été un moyen de faire prendre conscience aux décideurs politiques qu'il y avait des solutions qui existaient dans l'articulation étroite et opérationnelle entre le médical et le social. De fait, le lieu, il a joué ce rôle-là politique de lobbying, quoi, puisque la ministre de la Santé est venue le visiter en fin 2008. Qu'elle m'a demandé de faire un rapport, que le rapport qui a été fait avec plein de personnes qui ont travaillé avec moi, notamment les deux rapporteurs, Pascal Estécandi et Pierre Chauvin, recommandait deux choses plus particulièrement, qui étaient la mise en place d'un programme expérimental de chez soi d'abord, et ça il a été validé, financé, que là on est en train de le mettre en place sur 4 sites en France, donc Lille, Paris, Toulouse et Marseille, et que c'est 100 logements autonomes, ordinaires, par site, pour des personnes de la rue qui ont des troubles psychiatriques sévères. Et donc ça, voilà, pour nous, c'était un objectif d'abord militant. Après, l'existence du lieu, on va déménager probablement l'année prochaine dans la rue, mais un peu plus bas, au 35, sur un immeuble tout neuf. Que ce lieu, je pense... Je ne sais pas ce qui va devenir, probablement qu'il va être réhabilité, mais je ne sais pas si nous-mêmes, on va le réinvestir pour d'autres projets. Ça va être à négocier avec la mairie, mais je ne sais pas en fait ce qu'on va en faire. C'est vrai que nous, on y est particulièrement attachés, parce que voilà, on y a vécu des moments assez uniques. Je crois que l'expérience de la désobéissance civile et de la prise de risque... Qu'on a décidé consciemment et de façon collective pour faire avancer les choses, et les résultats qu'on a obtenus font de ce lieu un endroit un peu particulier, quoi, qui porte une partie d'histoire, qui est charismatique en lui-même, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore autant de monde de l'équipe qui y passe. Je pense que c'est plus pour se ressourcer et se rappeler l'histoire que des fois juste pour soigner des gens, quoi. Donc je ne sais pas comment on va vivre l'équipe sans ce lieu. On n'y a pas encore tellement réfléchi, quoi. C'est vraiment une chose extraordinaire que nous avons fait. Nous sommes sortis de l'illégalité avec un squat. Nous avons créé un logement pour une quinzaine de personnes. C'est un logement durable, stable. Et nous créons une profession, une toute nouvelle profession avec une quinzaine, vingt de travailleurs, médiateurs de santé. Nous avons obtenu un cofinancement du ministre de la Santé, un soutien de l'État. C'est presque un peu inimaginable. Oui, maintenant, nous pouvons faire vraiment quelque chose. Notre principe, c'est le rétablissement. Aller vers, ok. N'attendre pas si les gens arrivent chez nous aller vers. Chaque jour, nous faire la maraude. Et nous travailler sur le rétablissement, sur le retour à la citoyenneté comme les autres. Vous voulez rajouter quelque chose sur le marabout ? Sur le marabout... Oui, je le remercie d'abord et j'espère que ces personnes qui font tous pour nous rendre un peu heureux, félix, peut-être content. Mais tout ça, il faudrait une vie simple pour être heureux. Et ça dépend, parce qu'on ne peut pas compter sur les personnels de Marabout. Il faut compter sur parce qu'il n'y a pas des moyens, des fois. Il n'y a pas des moyens pour aller avant. Il n'y a pas des moyens. Il faut des autres personnes. Il faut l'État. Il faut les autres. Il faut une mobilisation pour ça, pour tout ça. Pour tout ça, il faut la santé publique qui s'en occupe. Il faut le conseil général qui se contribue. Chacun, il doit faire quelque chose pour cette lieu, quoi. Et c'est pas qu'il y a à Marseille, mais de partout, ça existe. Le marabout, ça existe de partout. Les associations, de partout. Donc il faut l'aider, il faut l'encourager, il faut toujours... Voilà, c'est quelque chose de sérieux, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est des personnes, ni citoyens français. Voilà, on peut pas les jeter, on peut pas les mettre dehors, quoi. Il faut prendre soin d'eux. Et je vois pas ça. T'as compris? Au niveau général. Et c'est toujours la colère, c'est toujours l'angoisse, c'est toujours la... Voilà. Voilà, je m'adresse directement à le président de la République de faire quelque chose, de d'aller vers ces gens-là qui sont besoin. Il faut pas aller vers toujours les riches, vers les grands... Là, il faut y aller un peu vers les personnes qui sont en difficulté difficile. Il faut s'approcher à eux. Il faut donner un sourire, quoi. Au moins, on est là. Au moins, de dire on est là. On ne nous oublie pas. On n'est pas un oasis, quoi. On est un abri anti-atomique. Que c'est pas très confortable. Comment fixer un objet au plafond ? C'était un documentaire au Marabout, un immeuble thérapeutique au centre de Marseille qui accueille des personnes vivant dans la rue et qui présentent des troubles psychiatriques graves. Avec des interventions de Vincent Girard, psychiatre, Herman Handluber, médiateur de santé, Moussine Bouslir, résident au Marabout, Nada Jrock, rédactrice d'un mémoire sur le lieu, et Anton Lacal de l'association HAS. La musique était extraite de l'album Nihil Obstat par 1/2 de GT2, honnête label La Petite Maison. Vous pourrez retrouver toutes ces références ainsi que l'émission en ligne sur www.intempestive.net. Si vous êtes marseillais, la rediffusion se passera samedi prochain à 1h sur le 88.4 et si vous êtes parisien, ce sera mercredi 7 juillet à 10h sur le 106.3. Vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.